Hey, yo! Come on! Funky! Oh! À la fin du repas, alors que vous n'avez plus faim, il vous oblige à finir son gâteau et tout chrétien. Puis il affiche un air inquiet et vous explique qu'il avait caché une alliance pour vous épouser que vous avez sûrement avalé. Yo! Yippie, yeah! Pour dédramatiser, vous lui lancez pour rigoler, ça me fera un anneau gastrique. Allez, en plage 38. Yo, fuck. Yo, yo, funky. Vous ne vous marierez pas, pour vous c'est un signe du destin. Tant pis pour la cérémonie, direction plage 41.